La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de notre série dédiée à l'écrivaine Maryse Condé, dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurent Travagli-Chanal, Milena Elie, Coppelia Menardi et Victoria Asper. Née en 1937 à Pointe-à-Pitre dans une famille de la petite bourgeoisie noire, Maryse Condé n'a pris conscience de sa couleur de peau qu'en arrivant à Paris pour ses études à l'âge de 16 ans, où elle a ressenti le racisme, ce qui l'a conduit à s'engager dans les mouvements militants de gauche et les mouvements indépendantistes. Durant 10 années, elle a vécu en Afrique à la recherche de ses origines. Elle vivra plus tard également à New York avec son mari et traducteur, l'anglais Phil Wilcox. Elle sera professeure, notamment à Columbia. Aujourd'hui retraitée, elle habite dans le sud de l'Hexagone, à Gordes. Tout cela, Françoise Vergès nous l'a raconté lundi. Après quelques tentatives dans le théâtre, elle publie dans sa quarantaine un premier roman, Erema Konon. C'est sa grande fresque en deux tomes intitulée Ségou qui va cependant lui valoir une reconnaissance mondiale. Plus tard dans sa carrière, elle se racontera dans des récits autobiographiques, comme nous l'expliquait hier Françoise Pfaff dans une émission à retrouver en podcast. Et puis Maryse Condé, c'est une femme rebelle, volontiers dans la contestation et le politiquement incorrect. Sa littérature est d'ailleurs imprégnée d'ironie. Ce sera le sujet de notre émission de demain avec Christiane Macquart, laquelle nous parlera également de sa pièce « En temps révolution ». Et aujourd'hui ? Il m'est difficile de répondre. Aujourd'hui, si tout se passe comme prévu, en seconde partie, après la chronique de Michel Crépu, je recevrai Xavier Luce, doctorant en littérature, qui travaille sur une thèse intitulée « Maryse Condé et la critique ». Mais d'abord, pour tenter de la replacer parmi d'autres écrivains de son temps qui se sont prononcés sur la question noire, nous sommes avec Romuald Foncoy, enfin s'il arrive jusqu'à ce studio, Romuald Foncoy, directeur du Centre international d'études francophones à l'université Paris-Sorbonne, auteur en 2013 d'une biographie d'Aimé Césaire paru aux éditions Perrin. En attendant, nous allons commencer cette émission avec Xavier Luce. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Il m'est difficile de répondre. Est-ce que je suis un écrivain entier? C'est quoi un écrivain entier? Est-ce qu'il y a une définition? La beauté de l'écriture, c'est d'être individuel, subjectif. Chacun d'entre nous a une voix qui n'est pas celle de l'autre, qui est différente, qui apporte peut-être des éléments nouveaux. Et le fait qu'on veuille réduire la littérature antillaise à un format préconçu, à des voies bien définies, bien rangées en ordre, ça me paraît absolument faux. La littérature, c'est le terrain de la liberté, de la créativité, tous azimuts. Donc finalement, peut-être que je suis une gothopène, mais j'écris comme je veux écrire. Et si vous voulez appeler ça un roman entier, c'est votre affaire. Et moi, je l'appelle simplement un roman de Maryse Condé. Extrait d'un entretien avec Francesca Isidori. Bonjour Xavier Luce. Bonjour. Alors ce sont les jeunes qui sont sur le pont aujourd'hui. Votre directeur de thèse, Romuald Foncoy, est perdu quelque part dans Paris. Et, il n'est pas arrivé. Vous pensez qu'il arrivera? Je pense que oui. Il ne vous a jamais fait faux bond, non. Il ne vous a jamais fait faux bond. En tout cas, vous ne nous faites vraiment pas faux bond. Et donc on va essayer avec vous de montrer ce qui rapproche et ce qui sépare Maryse Condé d'écrivains comme Aimé Césaire ou Édouard Glissant, ce qui révèle chez elle de la créolité, de la négritude. C'est des choses qu'on avait prévu d'aborder en particulier avec Romuald Foncoy, mais finalement vous pouvez sans doute aussi, je pense, répondre à un certain nombre de questions sur ces thèmes-là. On vient de l'entendre d'ailleurs dans l'archive, dans l'entretien avec Francesca Isidori. On se on se trouve confronté avec Maryse Condé à un problème majeur sur ces questions-là, c'est qu'elle refuse toutes les étiquettes, Xavier Luce. C'est quelque chose de très important chez elle et chez d'ailleurs l'ensemble des auteurs francophones qui essaient justement d'exister par eux-mêmes, faire valoir qu'ils ont un style propre, une poétique, des choses à dire, et qui ne sont pas affiliés à d'autres écoles qu'ils n'auraient pas décidé d'être. Enfin, ils veulent affirmer leur liberté et l'autonomie de leur voix propre. C'est ça qui est très important chez Maryse Condé. Donc elle est seule à créer son propre sillon ? Seule, en revendiquant de nombreux héritages, de nombreuses influences, mais elle a sa manière de les lire et de les retranscrire, ou plutôt de les cannibaliser, comme elle le dit elle-même. D'où l'expression, dont on a déjà parlé dans cette émission, écrire en Maryse Condé. C'est ça. C'est une fois que les œuvres sont lues, elles sont lues par un certain filtre, un filtre de subjectivité, comme elle le dit elle-même. Et ce filtre de subjectivité redonne un nouvel écho à ces œuvres qu'elle a lues. Elle les incorpore dans sa fiction pour les faire dialoguer en fonction de ce qu'elle veut faire passer comme message. Et c'est ça qu'elle appelle le cannibalisme littéraire. Mmh. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on est quand même obligé de creuser un petit peu et de voir dans quelle mesure, malgré son indépendance littéraire, il y a quand même des liens qui peuvent se créer, ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de voir avec un certain nombre d'écrivains et de courants. Je voudrais qu'on commence d'abord avec ce concept qui est le concept de la créolité, pour voir dans quelle mesure elle peut s'inscrire ou pas dans cette filiation-là. Tout le monde n'est pas forcément familier avec cette idée, Xavier Luce. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce que c'est que la créolité en littérature ? La créolité, quand on l'emploie aujourd'hui, elle renvoie à un manifeste qui est signé par Jean Bernabé, qui est un linguiste, par Patrick Chamoiseau, que tout le monde connaît, comme l'auteur de Texaco, le prix Goncourt en 92. Mm-hmm. Donc Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Et ce sont ces trois figures importantes des lettres martiniquaises qui ont signé ce manifeste dans lequel ils manifestaient un ensemble d'indignation, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas suffisamment parlé de tel aspect du réel antillais, du réel martiniquais, dont les romanciers auraient la tâche désormais de parler, de célébrer et de raconter. Et en ce faisant, ils ont imposé un certain nombre de directives, un discours qu'on pourrait dire normatif, dont les auteurs qui ne correspondaient pas à ce modèle-là de l'écrivain caribéen, de l'écrivain antillais, ont dû se défaire ou bien s'y plier. En tout cas, il a fallu qu'ils négocient leur position dans le champ littéraire antillais. Et c'est ce qu'a dû faire Maryse Condé, car n'écrivant pas en créole, elle ne pouvait pas être dans ce modèle-là. Mmh. Ça se passe dans les années 80, à peu près. Le manifeste, c'est en 1989 qu'il est publié. Et donc, c'est vraiment les années 90 qui vont être marquées par la créolité. Et l'obtention du prix Goncourt, indéniablement, va donner une orientation à ce qu'on appelle la littérature antillaise, qui vont prendre le devant de la scène. Et parce que leur réception va être extrêmement importante, ils vont changer nombre de choses dans la perception qu'on a de ces littératures-là. Mais la créolité, c'est aussi une conception du monde, c'est aussi une manière d'être ensemble. La créolité se revendique en effet de l'héritage de Édouard Glissant, qui a théorisé ce qu'il appelle le tout-monde, et notamment des concepts philosophiques comme la relation, qui est une manière justement de penser la mondialisation ou les mondialités, ce qui n'est pas la même chose, à partir de l'expérience caribéenne qui est la sienne. Et c'est ce que va reprendre Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau dans leurs œuvres, dans leurs romans, et qu'ils vont théoriser dans ce manifeste. Mais en faisant ce manifeste-là, bien sûr, il donne une définition qui est beaucoup plus normative que celle que développait Édouard Glissant dans son œuvre. Ça va pas être tout à fait la même chose. Donc cette idée du tout-monde, finalement, c'est l'idée du mélange des cultures, et c'est une forme de mondialisation culturelle. Alors le terme n'est peut-être pas exactement celui qu'il faudrait employer, mais est-ce que Maryse Condé, selon vous, s'inscrit dans un mouvement qui serait un mouvement justement de fusion de cultures et qu'elle pourrait du coup se revendiquer de ce tout-monde dont il est question ici? Là-dessus, ces romans parlent d'eux-mêmes. C'est une créolisation qui est en acte. C'est-à-dire que ces personnages, les histoires, les décors, les lieux qui sont parcourus dans ces romans témoignent de cette créolisation-là qui, de fait, existe, qu'on le veuille ou non. Mmh. Et donc, en quelque sorte, le mot créolité, s'il est devenu en quelque sorte une propriété, enfin, qui renvoie à une définition extrêmement précise, puisque théorisée, qui a fait l'objet de romans par la suite qui donnaient en exemple justement ce qu'était cette créolité-là, Toujours est-il que le mot, avant 89, existait déjà, et Marie Escandé l'employait. On peut le trouver dans certains entretiens quand elle dit « ma créolité, sa créolité, notre créolité mm-hmm. ». C'est-à-dire sa manière de vivre son être au monde en tant qu'originaire de ces territoires-là, de ces pays-là. Peut-être que c'est précisément parce que le mot avant 1989 était employé plus librement qu'elle se permettait finalement de l'utiliser parce qu'elle n'aime jamais, encore une fois, être mise dans une case, Marie Escandé. C'est peut-être ce qui la caractérise, c'est cette grande liberté. Tout à fait, donc ça l'a beaucoup peut-être, oui, surpris. Disons qu'elle dit qu'elle a été obligée, à partir de ce moment-là, de repenser son rapport aux Français, qui n'était pas problématique chez elle. Le créole n'était pas opposé à une langue française, à une langue dite dominante. Il n'y avait pas cette opposition-là pour elle. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes avec Xavier Luce et nous parlons de Marie Escandé, de la question pour l'instant de la créolité, créolité qui semble impliquer une forme d'oralité. Pourtant, quand on lit Marie Escandé, on n'a pas obligatoirement l'impression qu'on est devant une forme d'écriture qui serait une écriture d'abord orale. Quel est votre sentiment là-dessus ? Ce sont des questions qui l'ont beaucoup obsédée, enfin beaucoup hantée, sur lesquelles elle a beaucoup réfléchi. En fait, dès sa thèse qu'elle soutient à Paris 4, sa thèse de littérature comparée, le stéréotype du noir dans la littérature antillaise, elle réfléchissait déjà sur ce rapport entre oral et écrit. Et en fait, elle revenait sur le présupposé même de l'opposition entre oral et écrit. Pour elle, il n'y a pas une opposition, une dichotomie, une séparation nette entre les deux. Et là-dessus, elle rejoint les réflexions d'Edouard Glissant, qui montre qu'en effet, l'oral, c'est donc la langue créole qui sera symbolique de la de l'oralité, en tout cas aux Antilles, cette langue-là, elle est lancinée par l'écrit, et de même que parler français aux Antilles va être lancinée également par la langue créole. Donc ce qui l'intéresse plutôt, c'est de voir ces va-et-vient, ces interférences qu'il peut y avoir entre ces deux pratiques-là. Mmh. Et quand vous dites qu'elle est hantée, ça signifie un peu qu'il y a... un point problématique. C'est problématique, bien sûr. Elle cite les travaux d'Annie Bebel-Gisler, qui est une linguiste qui a soutenu une thèse également à Paris 4, je crois, oui. C'était qui s'appelait justement le Langue colonisation aux Antilles, qui était publiée sous le titre du Le créole, force jugulée. Et donc, cette force jugulée qu'est la langue créole est quelque chose qui est très présent dans les romans de Marie Escandé, qui apparaissent de manière soit ironique, de manière tragique. Enfin, il y a cette réflexion-là qui, depuis les débuts, son premier roman, a toujours été là et qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Mmh. À travers des apparitions, soit d'expressions créoles qui sont traduites en français, ou alors par des passages qui sont simplement écrits en créole, comme on le trouve également chez d'autres auteurs de la créolité. Voilà, donc ce rapport-là a toujours été interrogé. Et est-ce que ça évolue au fur et à mesure de sa carrière d'écrivain, cette question-là ? Est-ce que l'écriture, du coup, s'en trouve modifiée ? À l'image de la langue créole elle-même, qui évolue, mais qui est toujours problématique également, parce qu'elle ne renvoie pas justement à un statut qui est infériorisé de fait par la situation économique et politique de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc là-dessus, c'est à l'image même de la situation politique de ces pays-là. Elle aurait pu adopter une attitude qui serait peut-être davantage celle d'un chamoiseau, par exemple, qui consisterait à dire, finalement, le français, je le prends et j'en fais une langue différente. Je transforme le français officiel, entre guillemets. Elle n'est pas là-dedans, elle est plutôt dans un retrait. Si, elle l'a transformée. Seulement, elle n'a pas considéré la langue française comme un tout, peut-être. En tout cas, dans son discours critique, c'est pas comme ça qu'elle va le présenter. Elle l'a transformée, de fait, sa langue. C'est ça qu'elle dit, elle écrit en Marie Escandé. Quand on l'écrit, on sait qu'on a affaire à un roman qui est guadeloupéen, un roman entier. Et même lorsqu'elle parle de l'Afrique, ça se voit que c'est un point de vue. Il y a une manière de tourner les mots, de tourner les expressions. Il y a toujours un léger décalage de sens qui fait qu'on est bien en face d'un roman guadeloupéen. Et en même temps, elle ne se revendique pas non plus comme une écrivaine guadeloupéenne, une écrivaine antillaise. Non, ça rejoint ce que disait Françoise Vergès, je crois, dans l'émission de lundi, disait que l'identité, ces questions d'identité, ne l'intéresse plus. Mmh. Elle n'est plus en la volonté de vouloir prouver qu'elle est ceci ou qu'elle est cela. Elle est plutôt dans le souci de laisser la liberté à chacun d'être comme il est, à sa manière. Mmh. Alors évidemment, on peut pas oublier que dans cette question de la créolité, il y a évidemment l'origine de cette langue qui est la langue des esclaves. Et Maryse Condé explique que les Antillais ont perdu dans les bateaux qui les ont conduits jusqu'aux Antilles, qui les amenaient durant la traite de l'Afrique aux Antilles, ont perdu leur langue. Du coup, ce créole-là, c'est obligatoirement la langue des esclaves. Et ça le reste pour toujours, Xavier Luce ? La notion de perte, elle est problématique. Il y a un cours qu'elle donnait quand elle était à Nanterre Université dans les années 70, qui a été publié à la demande de ses étudiants sous le titre « La civilisation du Bossal ». Et dans ces cours-là, elle revient contre cette notion de perte. Il n'y a pas eu une perte comme si cette langue-là avait disparu dans les cales du bateau, dans les esclaveries. Elle montre comment ces langues se sont transformées, ont été en contact d'autres langues, ont été en contact évidemment des langues européennes, et elles ont donné naissance à ces langues créoles. Mais il n'y a pas une notion de perte jusqu'au 19e siècle. Il y a une transformation qui est telle on est face à une langue qui est une langue nouvelle, et on sait bien que en Martinique, par exemple, il était plus que mal vu parler créole. D'ailleurs, ses propres parents n'étaient pas des passeurs de créole. Au contraire, ils étaient des admirateurs de la langue française et ils lui lisaient du Victor Hugo tous les soirs avant qu'elle ne s'endorme. La langue, bien sûr, qu'elle est nouvelle. On ne pourrait pas aussi les rattacher comme un arbre linguistique, dire qu'elles appartiendraient à tel espace linguistique africain. Bien sûr, ce sont des langues qui ont leur créativité propre, leur originalité propre, et c'est ce que les linguistes nous montrent. Je citais tout à l'heure le nom de Dani Bebel-Gisler, c'est ce qu'elle montre dans sa thèse. Mais ce que je voulais dire par là, c'est la notion de perte, elle ne correspond pas tout à fait au processus linguistique lui-même, puisqu'au 19e siècle, on sait que des langues africaines étaient encore parlées sur les plantations, sur les habitations. Donc cette notion de perte, elle a été faite dans le temps, et ça correspond à des processus politiques qui se sont faits à partir de 1848. C'est en lisant le cahier d'un retour au pays natal, enfin que je ne connaissais pas du tout, qui avait été publié depuis 1937, mais je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est ici à Paris que j'ai découvert qu'il existait, qu'une camarade de lycée me l'a donné et que finalement, je me suis aperçue, comme il disait, que je venais d'ailleurs. Et ça m'a peut-être pas décidé à écrire, mais enfin au moins décidé à savoir précisément qui j'étais. C'est assez à la fois, c'est curieux et assez extraordinaire de prendre conscience de qui on est à travers une lecture, à travers un livre, à travers quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait. Parce que le poème est tellement émotionnellement fort, je crois que c'est comme si on lit, un grand texte religieux, la Bible ou quelque chose comme ça, on est absolument pris. Et on a une découverte de ce qu'on est, de ce qui est le monde autour de soi. C'est quelque chose comme une sorte de révélation. La compagnie des auteurs sur France Culture. Et vous, Xavier Luce, vous vous souvenez de votre découverte du cahier d'un retour au pays natal ? Oui, bien sûr. Je pense que chacun a son histoire qu'il pourrait raconter. C'est toujours une expérience personnelle. C'est dommage que Romuald Fonquet ne soit pas là, justement, parce que sa découverte, elle est assez intéressante. Vous en parlerez avec lui quand vous le verrez, vous lui direz qu'il nous a pas tant manqué que ça, puisque vous avez des choses à dire à peu près sur tout. Non, c'est pas ça, mais je trouve que sa découverte, elle est vraiment très intéressante, parce que en tant que la lire, il l'a lu quand il avait 6 ans, au Cameroun, parce que ses aînés, grands-neveux, oncles, cousins, je sais pas exactement, le scandaient, le criaient autour de lui. Mm-hmm. Et ainsi, il l'a entendu, il a fait savoir, mais quel est ce texte? Et je trouve que cette découverte-là, justement, vous parliez de l'oralité, elle est très intéressante. Ouais. Mais alors, comment vous l'avez découvert? Par un cours de Romuald Fonquet, c'est-à-dire d'initiation aux littératures francophones, comme on l'appelle, à la Sorbonne. Ouais. Et il nous faisait l'historique, et il y avait, bien sûr, dans les passages obligés, le cahier d'un retour au pays natal. Et donc, lorsque je l'ouvre, je suis absorbé, parce que ça ne renvoie à rien d'autre de ce que j'avais pu lire auparavant. Et il y a une forme à la fois d'opacité et à la fois de clarté. C'est-à-dire que ce dont il nous parle me paraît extrêmement, extrêmement clair, extrêmement concret. Et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Mm-hmm. Parce que justement, à ce moment-là, je connaissais pas encore tous les arrière-plans historiques qu'il y avait derrière cela. Voilà, c'est un texte qui est extrêmement dense, qu'on n'aurait jamais fini de lire et de relire. Et vous pourriez dire la même chose de votre découverte de Marie Scondé ? Tout à fait. Et c'est le propre d'une œuvre, une œuvre littéraire, c'est qu'elle l'appelle et qu'elle demande à être relue, parce que chaque fois, quelque chose de nouveau va en sortir. Ouais. Donc alors, dans quelle mesure est-elle l'héritière directe de Césaire Marie Scondé ? Là encore, je dirais que ce sont les romans qui parlent mieux qu'elle. Il y a Les Derniers Rois Mages, qui est un roman des années 90. Et là, il y a en fait une réécriture carrément du cahier d'un retour au pays natal. Et ce faisant, elle rapatrie en quelque sorte le texte de Césaire, qui a beaucoup voyagé, qui est même plus lu, plus connu en Afrique qu'il ne l'est lui-même en Martinique. Les choses sont en train de changer, mais il y a eu ce paradoxe-là. Et donc, c'était une manière de le rapatrier en Guadeloupe, en faisant entendre ce qu'il y avait d'important, à savoir qu'il fallait savoir d'où l'on vient, se dire qu'on était justement guadeloupéen, martiniquais, qu'on n'était pas tout à fait africain, qu'on avait bien sûr un héritage africain, mais que, vous parliez de langue qui s'était créée, qu'il y avait une nouvelle culture qui s'était créée. Et c'est ça que le personnage principal, Spero, justement reprend à son compte en disant « Je reviendrai vers ce pays mien, vers la hideur de ces plaies désertées » et qui est bien sûr un intertexte ostensible avec Aimé Césaire. Mmh. Parce que une notion de plaie, hideur, ça percute, ce sont des mots qui sont extrêmement connotés par l'emploi qu'on a fait Aimé Césaire. Donc, Aimé Césaire, c'est la grande inspiration, sans doute davantage que Senghor, peut-être tout simplement parce que Senghor, le Sénégalais, est plus éloigné de Marie Scondé que Césaire, le Martiniquais. Elle a une formule quand elle explique que finalement, Césaire fait un effort pour se rappeler un passé que Senghor connaît d'instinct. Bien sûr, il y a cette opposition-là entre les deux, qu'elle a d'ailleurs traitée dès les années 70. Elle a des essais très connus qui sont négritude senghorienne, négritude césarienne. Donc déjà, c'est l'idée qu'il y aurait deux négritudes, au moins, peut-être qu'il y en a plus d'ailleurs. Mais dans cette opposition, on faisait clairement valoir qu'il y avait d'un côté une historicisation très importante chez Aimé Césaire, qu'on ne retrouvait pas autant chez Senghor, ou alors cette historicisation-là était plutôt de l'ordre du mythe, d'une Afrique immémoriale, dans laquelle la traite négrière, l'esclavage, la colonisation étaient plus en toile de fond, absentes, alors qu'au contraire, chez Césaire, elle est présente. Donc la négritude, c'est un concept qui, pour elle, est problématique. La négritude, cette idée qu'il y a une communauté de toutes les personnes de couleur noire, sachant qu'en plus, entre les personnes de couleur, il y a celles qui vivent aux États-Unis, celles qui vivent en Afrique, celles qui vivent en France, celles qui vivent dans les Antilles. Donc pour Marie Scondé, ça n'existe pas réellement ce concept de négritude. En fait, c'est la manière dans laquelle elle intervient au moment du passage de la littérature, des littératures francophones dites francophones, de l'ethnologie à la sociologie. C'est-à-dire que l'entrée de ces auteurs-là a d'abord été par le biais de l'ethnologie. C'était soit une manière de montrer finalement qu'un sujet noir puisse également écrire des ouvrages de fiction, ou alors c'était aussi montrer comment est-ce que l'outre-mer contribue à la pensée française, entre guillemets, et que désormais on entre dans la sociologie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les noirs, mais il y a des balayeurs noirs, pour reprendre, ou bien des intellectuels noirs. Il y a différentes manières d'être noir, différents problèmes qui se posent en fonction de métiers, de provenance, d'origine sociale. Voilà, il y a plus. Mais ça, pour Senghor, c'était pas encore le sujet. Il vient pas avec la même approche. Il a théorisé, il a beaucoup réfléchi sur un socialisme africain à l'échelle négro-africaine, partant de d'unité africaine qui était empruntée justement à l'ethnologie, dont Marie Scondé précisément se détourne. Donc c'est ça vraiment la grande différence qu'il y a entre les deux, c'est un passage. Hier vous parliez de Amadou Kourma, dont elle a été proche. Une forme d'amitié, oui, une proche qu'elle avait rencontrée en Afrique du Sud. Et ces deux romanciers-là, en effet, ils marquent bien ce passage-là de l'ethnologie à la sociologie, d'une Afrique immémoriale à une Afrique qui est pensée désormais avec ses problèmes présents, contemporains, tout en ayant le recul de l'histoire pour mieux les comprendre. Après, ce qu'il faut peut-être voir aussi quand on parle de Césaire et de Senghor, c'est qu'on a deux hommes qui sont des figures tutélaires, envie de dire presque paternalistes, en tout cas des figures d'hommes qui ont une forme quand même de puissance, je dirais, alors que elle, elle est en plus une femme, et que pour elle, c'est évidemment très important, cette domination supplémentaire, Xavier Luce. Paternaliste, elle le serait si on ne les contestait pas, si on ne les critiquait pas, si on n'allait pas essayer d'aller au-delà, si on ne fait que réciter ce qu'ils ont dit. En effet, là, on est là-dedans. Mais justement, c'est qu'on le voit que très vite, différents auteurs vont reprendre, critiquer, montrer les limites, ou au contraire montrer ce que la négritude a apporté, et les choses vont avancer. La cruauté, en quelque sorte, est justement la continuité pour d'autres... d'autres problématiques de la négritude. Sans la négritude, il n'y aurait pas la cruauté. Sans Césaire, il n'y aurait pas Marie Scondé. Mmh. Je pense que tout le monde le reconnaît, c'est indéniable. Je pense en effet que j'ai beaucoup parlé de l'échec de la rencontre Afrique-Antille. Pas tellement l'échec, je ne dirais pas l'échec, mais le caractère extrêmement douloureux et tragique. Moi, je trouve que l'échec est plus beau que la réussite. Je pense que les gens qui réussissent, les gens qui sont triomphants, c'est pas très drôle, ils n'ont rien à dire, et je préfère bien les gens qui souffrent et qui sont un petit peu vaincus, un petit peu désespérés. Donc, mes romans ne parlent que de ces gens-là. Il est évident que je suis revenue en Guadeloupe après être très meurtrie par un passage en Afrique, dont je ne suis pas tout à fait remise, et que être antillais, c'est pas facile. Il y a beaucoup de mensonges sur la réalité antillaise. Nos pays sont présentés un peu comme des petits paradis, alors que c'est pas vrai du tout. Le problème d'être un antillais chez lui, face à tous les monstres de l'Europe, de l'Amérique, tout ça, c'est assez angoissant. Donc, je ne pense pas que j'aille d'échec en échec. Je pense que j'éclaire simplement un certain nombre d'angoisses, un certain nombre de difficultés, et que les gens qui racontent des chansons, qui font des chansons roses à bercer les enfants, moi, j'en fais pas partie. Je pense que ce sont des livres un peu lucides pour les grandes personnes, pour les gens qui regardent la réalité en face, et que c'est simplement cela. La compagnie des auteurs sur France Culture. Il y a une angoisse, Xavier Luce, sur le destin du monde chez Marie Scondé, une angoisse qu'on retrouve peut-être d'ailleurs dans son dernier livre, vous l'avez apporté, vous l'avez posé sur la table, Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cette idée de l'angoisse chez Marie Scondé ? Il y a en effet l'angoisse de comprendre ou de ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'elle déclare d'ailleurs, les nouveaux entretiens avec Françoise Pfaff s'ouvrent là-dessus. Donc qui êtes-vous, qui es-tu, Marie Scondé ? Et quelqu'un qui essaye de se poser des questions, qui essaye de comprendre. Et en effet, dans Le fabuleux destin d'Ivan et Ivana, c'est ce qu'elle essaie de comprendre, c'est l'internationalisation d'un terrorisme qui se revendique d'un islam conquérant. Voici en effet la question qu'elle s'est posée, à partir des, vous l'avez évoqué hier déjà, des attentats qui a conduit au meurtre de Clarissa, une policière martiniquaise, par un terroriste d'origine malienne. Et c'est ça qui l'a affecté, qui s'est dit que justement la notion de négritude, si elle avait un sens, eh bien elle n'en a plus. Donc on pourrait dire que la négritude serait morte ce jour-là. Mais elle pensait déjà, visiblement, c'est ce que vous nous avez dit, que la négritude, c'était un concept qui était plus ou moins dépassé. Donc c'est juste une confirmation ? C'est un jeu. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais vraiment dépassée. C'est parce qu'on ne peut plus, en effet, faire comme si elle n'avait pas été critiquée, bien sûr. Mais elle joue avec, elle parodie. Mmh. Elle va reprendre des extraits de telles idées forces, maîtresses, pour les tourner en dérision, ou bien... Il y a une forme d'hommage aussi. Donc, ce n'est pas un rejet brutal, mais c'est un questionnement pour aller au-delà, ne pas rester dans la récitation de ce qui a été dit par le passé. Pour vous, ce dernier livre, qui est peut-être un livre testament, parce qu'on sait qu'elle l'a dicté, que ça a été quand même difficile, c'est un livre qui met dans un seul ensemble toute une vie d'écriture et de réflexion. Elle récapitule, mais un testament non, parce qu'elle est en train d'écrire, elle avait dit qu'elle voulait écrire quelque chose pour la jeunesse. Ouais. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais testament non, parce que c'est pas son dernier. Elle avait dit que ce serait sur son dernier, mais elle avait déjà dit ça pour d'autres romans. Vous l'avez vu, vous, il y a pas longtemps, puisque vous avez fait des entretiens justement avec elle. Oui, en décembre, j'ai pas abordé ça, je l'ai pas relancé sur son roman de jeunesse. Mais oui, elle a toujours, bien sûr, beaucoup de projets. Mm-hmm. Et j'espère que sa santé lui permettra justement de les mener encore quelques-uns. Parce que les fabuleux et tristes destins d'Ivan Ivanov, justement, c'est, on voit que c'est un auteur qui est toujours en prise avec le monde, qui n'est pas dépassé, justement, par les nouveaux problèmes qui se posent. Elle les avait en quelque sorte déjà même pensés. On peut le rapprocher des les Belles Ténébreuses, qui abordaient déjà la question du terrorisme. Mmh. Eh bien, Xavier Luce, on va continuer d'en parler dans quelques instants avec vous. Mais tout de suite, et comme chaque jour, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous sommes aujourd'hui en votre compagnie, Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour. Bonjour. Que retenez-vous de ce qui a été dit en première partie de cette émission par Xavier Luce sur Maryse Condé ? Ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue beaucoup, parce que je ne connais pas bien l'œuvre de Maryse Condé, c'est comment joue à la fois l'identitaire et l'identité. L'identitaire, c'est plutôt l'étouffoir, pour dire les choses rapidement. Et l'identité, au contraire, c'est quelque chose qui se déploie dans un paradoxe, dans une inventivité des formes, et qui en même temps pointe une singularité. Et j'aime beaucoup cette espèce de lutte et d'entretien de soi à soi sur entre l'identitaire et l'identité. Xavier Luce, Maryse Condé, elle est dans la recherche de l'identité ou elle est aussi dans quelque chose d'identitaire? Non, en effet, elle a ressenti ce que vous appelez un étouffoir, parce que justement on se fait enfermer dans quelque chose qui serait fixe, alors que le propre de la vie c'est d'être mouvant et de bouger. Voilà. Et de lire la Nouvelle Revue Française numéro 628. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce numéro? J'ai vu qu'il y avait quelque chose sur le Charlus de Philippe Berthier. On l'avait reçu d'ailleurs, Philippe Berthier, pour parler de Charlus dans notre semaine. Et je dois dire d'ailleurs que je gardais un tellement bon souvenir de ce passage de Berthier dans votre émission, Mathieu, que une fois rentré à la maison, j'ai fait cette idée de, puisque le livre venait de sortir, il venait de publier un formidable livre sur Charlus. Et que je n'avais pas lu à l'époque de l'émission, mais que je me suis empressé de lire, et qui m'a procuré un vif plaisir, comme on dit. C'était aux éditions de Fallois, et je crois que c'est important de redire. Oui, c'était on a perdu il y a quelques semaines un éditeur. En effet, Bernard de Fallois était une sorte de Manitou à sa façon. C'était peut-être, je crois d'ailleurs, le doyen des éditeurs aujourd'hui. Et qui, parmi bien d'autres choses, s'était évidemment beaucoup, beaucoup investi sur le continent proustien, en exhumant notamment ce fameux Contre Sainte-Beuve, qui, en réalité, n'a jamais été vraiment un projet conçu comme tel par Proust, mais qui donnait en tout cas un certain nombre de pistes de lecture très intéressantes, qui d'ailleurs ne sont pas étrangères à la discussion qu'on vient d'avoir sur l'identité et l'identitaire. Alors, dans la section littérature d'aujourd'hui, qui est quand même le cœur de la NRF et son projet, vous avez, comme souvent, comme toujours, invité un certain nombre d'écrivains. Est-ce qu'ils forment, selon vous, Michel Crépu, une génération? Et finalement, quelle serait la cohérence de votre choix pour ce numéro 628? Alors, la cohérence, s'il y en a une, et je suis vraiment pas sûr qu'il y en a une, mais en tout cas, elle n'est pas d'ordre générationnel ou de ce type. Elle est plutôt dans un enjeu commun qu'on peut formuler comme une recherche de l'espace romanesque, une recherche de déploiement de l'espace romanesque dans toutes les directions possibles, y compris les plus hybrides, comme c'est le cas avec ce texte de Justine Augier, par exemple, qui évoque la figure d'une avocate syrienne dont on n'a plus de nouvelles depuis 5 ans. Et elle est partie un peu à la recherche de cette femme, associant dans son travail d'écrivain à la fois le registre du document, celui de l'autobiographie, celui de la note de journal, tout ça réuni, composant une forme tout à fait inédite qui me semble assez caractéristique du moment où nous sommes. Mais ce qui ne veut pas dire du tout que les écrivains maintenant écrivent à la mode de l'hybride en mélangeant l'autobiographie et le document historique. Il y a des choses qui n'ont absolument rien à voir, qui sont tout aussi significatives. Alors par exemple, il y a un autre texte sur le football, critique du ballon pur. Oui, alors ça c'est tout à fait étonnant. c'est Grégory Schneider qui est le responsable à Libé, au journal Libération, de, entre autres choses, de la rubrique foot, football, qui traite du football, et dont j'avais lu un jour, par hasard, dans le train, n'étant pas du tout moi-même un amateur de foot, un portrait absolument étonnant qu'il avait fait de ce footballeur Thierry Henry, qui maintenant est aux États-Unis, je crois. Et ce portrait m'avait semblé vraiment un travail d'écrivain. Enfin, donc j'avais cherché à joindre. C'était en plein pendant les vacances de Noël, donc il y avait personne à Libé. Et j'avais cherché à joindre Schneider. J'ai finalement réussi à l'avoir à la rentrée de janvier. Et on s'est tout de suite entendu très bien. Il était sidéré que la NRF daigne s'intéresser au foot. Et je l'avais rassuré en lui disant que Jean Paulhan, qui ne jouait pas au foot mais jouait à la pétanque, aurait certainement apprécié. Mais oui, tout comme André Gide, d'ailleurs, qui était un grand sportif, comme nous le savons. Merci beaucoup, Michel. Mais c'est moi. Et puis, ce numéro de la NRF est à retrouver, évidemment, en librairie. À bientôt. Des auteurs, seconde partie de cette émission consacrée à Marie Scondé. Nous sommes avec Xavier Luce qui rédige justement une thèse sur Marie Scondé. Avant de le retrouver, un court retour au texte avec cet extrait de La colonie du Nouveau Monde, lu ici par Catherine Laborde. Mary Tatton se regarda dans la glace et malgré sa peine, sourit de plaisir. Elle ne se reconnaissait pas. Elle portait une robe imprimée de fleurs rouges et grises, terminée par deux volants gonflants, des soquettes blanches à pois rouges et des souliers vernis à barrettes. Ces derniers serraient ses pieds habitués à la liberté. Quand même, elle supportait, stoïque. Si elle soulevait la robe, elle découvrait un jupon blanc bordé de dentelles et sous le jupon, un slip pareillement orné. Henrique lui avait encore acheté deux robes, deux chemises de nuit, des sous-vêtements et une paire de souliers blancs. Une seule chose la chagrinait, ses cheveux que le coiffeur avait coupés ras comme ceux d'un garçon, faisant crisser ses ciseaux et sacrifiant ses locks qui étaient restés sur le plancher du salon comme des peaux d'animaux après la mue. Henrique avait bien parlé de lui mettre aux oreilles des boucles d'or, mais il semblait avoir oublié cette promesse. Une autre chose la chagrinait. Alvaro, le troisième fils d'Henrique, guère plus âgé qu'elle, mais déjà colosse plus haut que ses frères, la raillait et la tourmentait derrière le dos de son père. Il l'appelait Negrita. Il imitait sa façon de manger, de se servir de son couteau et de sa fourchette. Il la pinçait, lui tirait la langue, lui faisait peur dans les corridors sombres de la maison. Lui disait, dans sa langue qu'elle ne comprenait pas, des choses qu'elle savait méchantes. On ne l'avait jamais traité ainsi. À Matalpas, même pas dans les jeux, les autres enfants de la colonie lui témoignaient, à elle comme à Nefertiti, le plus grand respect, les appelant non pas « sœur », mais « fille du soleil ». Comment venir à bout d'Alvaro ? Que retenez-vous, Xavier Luce, de ce texte qu'on vient d'entendre, cet extrait ? C'est marrant que vous citiez la colonie du Nouveau Monde, que c'est un de ceux qui a moins fait parler, qui est un peu moins connu de son œuvre. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, là aussi, c'est un héros qui, assistant au cours en France métropolitaine, trouve qu'on ne parle pas suffisamment de... découvre en fait la philosophie égyptienne, enfin la philosophie de l'Égypte. Il y a un ouvrage justement dans les années 90 qui paraît, donc peut-être qu'il y a aussi un lien, de Théophile Obenga qui s'appelle « La philosophie africaine », dans lequel il donne à lire de nombreux textes hiéroglyphes traduits et qui commentent en montrant leur beauté, leur poésie. Et donc, en quelque sorte, le héros se trouve pris par cette beauté et qu'il aimerait revivre. Et ainsi, il projette un retour en Égypte, mm-hmm. qui fait écho, bien sûr, au mouvement de retour à la terre-mère, retour aux origines. Au pays natal. Là, pour le coup, c'est pas le pays natal, c'est un pays mythique, justement. Et c'est peut-être ça le problème de cette colonie, finalement, qui va... D'ailleurs, c'est pas eux qui se nomment ainsi, mais c'est par dérision les habitants autour qui vont les nommer. Ah, c'est la colonie du Nouveau Monde, parce qu'ils sont installés dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, justement. Donc c'est assez ironique que ça donne le titre, justement, à leur établissement et à leur au roman. Et d'ailleurs, ils ne vont jamais réussir à revenir en Égypte, et ça va mal se passer. Alors, vous travaillez sur une thèse, Xavier Luce, dont le titre est « Marie Scondé et sa critique », thèse sous la direction de Romuald Fonqua au Centre international des études francophones de la Sorbonne. Vous l'avez sous-titré, votre thèse, « Parodie autobiographique et controverse littéraire ». D'abord, tout simplement, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la question de la critique concernant Maryse Condé? En quoi est-ce que c'était pour vous particulièrement problématique? Il y avait deux choses. La première, c'est Maryse Condé et sa critique, donc celle à elle, donc c'est celle qui est sur son œuvre, et la critique qu'elle aussi va faire et qu'elle développe. Parce qu'il faut le rappeler, elle est professeure de littérature comparée, littérature francophone, littérature française. Donc elle a beaucoup écrit et elle a même commencé par être critique en travaillant, vous le disiez hier, à Présence africaine. Donc elle a, voilà, donc il y a ce travail-là qui est assez important. Et ça va être la réception de son premier roman, qui l'a bien sûr beaucoup affecté, car ça s'est mal passé. Donc c'est aussi Maryse Condé, regardant les autres écrivains, qui vous intéresse. Bien sûr, parce que l'activité critique est indissociable de sa création. Il y a toujours la critique qui précède, en quelque sorte, sa création. C'est parce qu'elle a déjà remarqué qu'il y a telle chose qui vont, telle chose qui ne vont pas, telle chose qu'il manque ou qu'il faudrait dire et qu'on n'a pas dit jusque-là, qu'elle se propose désormais de dire. Ce qui est quand même un bon préalable, finalement. Et la deuxième chose, c'est... qu'est-ce la notion de classique, c'est-à-dire est-ce que dans sa production romanesque, est-ce qu'il y a des œuvres qui sont des classiques? Mm-hmm. Alors qu'est-ce que c'est qu'un classique? Et déjà c'est un ouvrage tel qu'on pourrait le définir qui a une écriture seconde, à savoir l'écriture de la critique, qui a pérennisé, qui a reçu, qui a fait que voilà cette œuvre désormais voici ce qu'elle signifie, voici les thèmes qui sont abordés et chacun peut s'y référer. Ses goûts, ce serait déjà un classique moderne. Oui, dans la mesure où il est enseigné dans les départements universitaires, même au lycée. Enfin, voilà, c'est une œuvre, c'est un classique qui est enseigné en Afrique, aux États-Unis surtout, et même en France. C'est le premier roman, je crois, qui va être intégré dans les cursus programmes scolaires en France. Parce que ça correspond à une saga familiale, à une vision de l'Afrique précoloniale, comme on dit, et qu'elle a eu un impact assez important, que c'était un best-seller, tout ça. Donc ça participe de faire connaître et de rendre classique, enfin normal, accepté par tous, des éléments qui, à l'époque, pouvaient étonner. Oui. Donc le premier roman de Maryse Condé, quand il paraît, la confronte à la critique, et là, il se passe quoi, Xavier Luce? Elle est tout de suite mal comprise, mal interprétée? Très mal comprise, oui. En fait, on va voir son œuvre comme un témoignage de femme. Donc, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on va analyser l'exemplarité, on va questionner l'exemplarité de l'héroïne, et qui est la narratrice aussi, car c'est écrit à la première personne, c'est un jeu. Et savoir dans quelle mesure cela reflète ou non l'auteur du texte, à savoir Maryse Condé. Donc on a jugé Maryse Condé par l'intermédiaire de son héroïne, sans prendre la peine d'essayer de voir la littérarité, c'est-à-dire les références littéraires qu'il peut y avoir, les clins d'œil qui sont nombreux, et la signification politique que le texte avait. Alors que, précisément, Maryse Condé, professeure elle-même, n'arrête pas d'enseigner la distinction entre personnage, narrateur et auteur, et elle le précise même d'ailleurs dans son avant-propos à son premier roman, dans une publication, cela dit, postérieure. C'est ce qu'elle va dire par la suite. C'est-à-dire que le roman va être pilonné parce que voilà, ça va être un échec commercial. Il va être réédité 10 ans après. Vous croyez que c'est dû à cette méprise de la critique, le fait que ça n'ait pas toucher le public espéré? Il faut toujours qu'il y ait un critique qui valide en quelque sorte l'œuvre et qui donne envie à d'autres de le lire. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, ça peut être des lecteurs eux-mêmes qui décident. c'est variable. En tout cas, les conditions n'ont pas été réunies pour que son premier roman marche. Mais il a été réédité chez un autre éditeur. Et elle rédige justement une préface. Et là, entre-temps, elle est devenue professeure aux États-Unis, à Berkeley. Et donc, c'est depuis Los Angeles qu'elle rédige cette préface-là, dans laquelle, justement, elle fait le travail que la critique n'a pas fait, à savoir montrer, elle fait valoir que c'était la première ou l'une des premières interprétations de la prophétie fanonienne contenue dans les Damnés de la Terre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les nègres sont en train de disparaître à la surface de la planète, à peu près. Ce qui veut dire que la notion d'une négritude unie qui donnerait une vision unique et des choses est plus complexe et qu'elle ne suffit pas à rendre compte de l'Afrique contemporaine, postcoloniale, à savoir des tel que ça peut se passer à Haïti avec Duvalier ou en Afrique avec Sékou Touré qu'elle a vécu. Mais voilà. Alors cette critique, elle n'est peut-être pas la même aux États-Unis. Dans les pays d'Afrique, à Paris. Comment est-ce que vous travaillez justement géographiquement pour votre thèse ? Déjà, entre-temps, elle a beaucoup évolué. Par la suite, ça c'est, elle est devenue une. Voilà, elle est reconnue, il n'y a plus ce problème-là. Mais en effet, ça va être différent en fonction aux Antilles, aux États-Unis, en France. Les questions ne seront pas posées tout à fait de la même façon. Et c'est aux États-Unis vraiment qu'elle va trouver la consécration. Il y a une raison pour cela, d'après vous ? Les départements de Black Studies, de ces départements-là qui vont faire un travail, parce qu'ils sont préparés historiquement, intellectuellement, il y a tout un ensemble de conditions qui permettent de recevoir ces textes-là. Ce n'est pas la même perception que depuis la France, où les questions qui se posent, elles vont être biaisé par des problèmes, des questions essentiellement très franco-françaises, à savoir justement l'usage de la langue française. Plus que finalement ce qu'a voulu dire l'auteur, parfois ces thématiques-là vont prendre beaucoup de place. Vous avez l'impression que les critiques, et d'ailleurs, quand vous dites critique, est-ce que vous dites critique universitaire ou est-ce que vous dites critique journalistique ? Bien sûr, il faut distinguer. Donc vous avez l'impression que les critiques en France sont obsédées justement par cette question de la langue ? Là encore, les choses ont quand même beaucoup évolué. Au départ, oui, c'était quelque chose qui prédominait. C'était soit des notions thématiques, par exemple la représentation du dictateur dans les romans de tel auteur, ou bien l'usage qui était fait de la langue française. C'était assez répétitif en quelque sorte. Ces problématiques-là ont beaucoup évolué aujourd'hui. On a quelque chose des travaux qui sont extrêmement intéressants. Récemment, il y a Françoise Simasocci de Paris 8 qui a coordonné un ouvrage avec différentes publications qui parlent des liens entre autobiographie et fiction, des problématiques qui sont vraiment essentiellement littéraires et qui ne sont plus simplement vues au prisme du politique ou au prisme de la francophonie et qui vont au-delà. Des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Maryse Conté avec vous, Xavier Luce. Alors, elle est controversée, hein, on l'a compris, la critique ne l'a pas toujours bien interprétée. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle s'est confessée dans un certain nombre de livres autobiographiques et notamment dans son livre intitulé La vie sans phare qu'elle a publié en 2012 chez Jean-Claude Lattès. Et dans La vie sans phare, eh bien, finalement, elle en revient aux confessions de Jean-Jacques Rousseau puisqu'elle annonce au tout début de son texte, paraphrasant Jean-Jacques Rousseau dans ses confessions, « Je déclare aujourd'hui que je veux montrer à mes semblables une femme dans la vérité de la nature et cette femme serait moi. » Alors là, tout d'un coup, elle dit un petit peu le contraire de ce qu'elle critiquait chez les critiques, c'est-à-dire que elle fusionne personnages, narrateurs et auteurs d'une certaine façon. Elle reprend le contrôle surtout. qui avait déjà commencé dans les années 90 avec un projet autobiographique qui disait pas vraiment son nom, qui était Le cœur à rire et à pleurer, dont le sous-titre était Conte vrai de mon enfance. Et donc il faut reprendre le contrôle, c'est ça l'enjeu? Oui, c'est-à-dire que c'est moi qui raconte ma vie parce que je la connais, je suis la meilleure personne encore pour la raconter. Oui. Mais et vous qui êtes critique littéraire, ça doit être difficile à recevoir d'une certaine façon. C'est très précieux parce que ces éléments autobiographiques-là permettent justement d'éclairer ces productions romanesques. On voit en effet qu'elles se mettent en scène à travers ces romans. Il y a toujours l'autoportrait d'une intellectuelle dans laquelle on devine bien sûr Marie Scondé elle-même, d'un écrivain, d'une écrivaine qui a des problèmes auxquels a été confrontée elle-même l'auteur. C'est toujours des mises en scène justement de Marie Scondé qu'on retrouve dedans. Mm-hmm. D'où la notion de parodie. Elle se parodie elle-même. Puisqu'on arrive à la fin de cette émission, Xavier Luce, je crois que vous avez envie de nous lire un extrait de son dernier livre. Vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi, mais d'abord on vous écoute. Oui, parce qu'il reprend plusieurs références. Le Mali occupe une fière place dans les livres d'histoire. Personne n'a oublié le célèbre pèlerinage de l'empereur Kankan Moussa, qui distribua tant d'or en se rendant à la Mecque que le prix du métal précieux baissa. De même, tout le monde a lu le livre de Djibril Tamsir Nian, Sunjata ou l'épopée Mandingue, grâce auquel on se familiarise avec les hauts faits du roi Sunjata, qui malgré une enfance difficile était destiné à devenir un héros. Écoutez donc, fils de Mandingue, enfant du peuple noir, écoutez ma parole. Je vais vous entretenir de Sunjata, le père du clair pays, du pays de la savane, l'ancêtre de ceux qui tendent les arcs, le maître de 100 rois vaincus. Je vais vous parler de Sunjata, Mandingue Diara, lion du Mandingue, Sogolon Djata, fils de Sogolon, Naré, etc., etc. Je vais vous parler de Sunjata, celui dont les exploits étonneront longtemps les hommes. L'histoire parle aussi de la splendeur de certains royaumes comme celui de Ségou, qui a fait couler tant d'encre. Curieusement, ce sont les Toucouleurs faisant le djihad pour imposer le dieu unique qui affaiblirent la région et en firent un fruit mûr pour la colonisation. Yvan et Ivana ne savaient rien de ce passé. À la vérité, ils ne connaissaient de l'Afrique que les images négatives de la télévision. Coup d'État perpétrés par des militaires ignorants, famine, épidémie d'Ebola que les Africains, sans aide extérieure, ne sont pas capables de guérir. Ils furent surpris de trouver Bamako une ville plaisante. Pourquoi avoir choisi cet extrait? Déjà la référence à Ségou, qui est bien sûr le Ségou de l'intertextualité de Marie Scondé elle-même. C'est ça. Elle-même, et donc elle rappelle justement des thèses qu'elle avait, enfin la thèse de Ségou, qui est les causes de la destruction, de la chute de cet empire-là, qui était très puissant. Et aussi l'historien Djibril Tamsir Nian, l'épopée Mandingue, Sunjata, qui est désormais un classique, justement. Et c'est important de le savoir, elle fait comme si, justement, tout le monde, ce tout le monde, c'est important de comprendre ce qu'il veut dire. Tout le monde, on peut le comprendre ainsi, tout le monde, pour me lire, devrait savoir qui est Djibril Tamsir Nian. Mm-hmm. Parce que ça correspond aux années 70-80, lorsque les traditions orales, justement, la mémoire des griots, des récits de chasseurs, de la partie correspondant Mandé, ce qui regroupe plusieurs pays aujourd'hui, notamment la Guinée, entre autres. Et les récits de ce roi-là, avec la charte du Mandé, qui est en quelque sorte la charte constitutionnelle de l'Empire Mandé, elle a été révélée et elle est importante. Voilà, donc ça rejoint ce qu'on pourrait appeler, ce qu'une critique afro-américaine, V.V. Amasa Clark, d'origine haïtienne, qui a parlé d'une culture diasporique, diaspora literacy, c'est-à-dire qu'il y a des références qui sont communes et qui justement donnent une vision, on pourrait dire, si vous voulez, de négritude, mais fondée sur des questions culturelles et non plus sur les critères ethniques. Ça figurera dans votre thèse, cette analyse? Cette rencontre, oui, car elle se fait en 1988, justement, la date de la réédition de son premier roman, quand elle est à Berkeley, car V.V. Amasa Clark, justement, vient de soutenir sa thèse à Berkeley, elle aussi. Et elle avait beaucoup travaillé sur la culture populaire, le théâtre populaire haïtien, et qu'elle essayait de mettre en lien, justement, avec les productions contemporaines. Vous aurez fini quand? Dans 2 ans, si tout se passe bien. Eh bien, nous vous lirons. Alors, à dans 2 ans, merci Xavier Luce d'être venu nous parler aujourd'hui de Maryse Condé, y compris de tous ces sujets pour lesquels on ne vous avait pas demandé de venir, mais vous en êtes tiré avec un maximum de brio. Merci tout de même à Emmanuel Foncoy, qui est votre directeur de thèse et que nous saluons de très loin. Demain, dernier moment de notre série sur Marie Scondé, ce sera avec Christiane Macquart. Nous évoquerons notamment la question de l'ironie chez l'auteur de Ses goûts. Mais tout de suite sur France Culture, comme chaque jour, vous retrouvez la poésie, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous. Filature cette semaine d'un poème d'Yves Boudier, Vanité, carré, misère, basé sur deux images opposées, dont une photographie, celle d'un sans-abri en 2005. La rose publique de Paul Éluard est de 1934. En cette semaine de froidure, nous lui empruntons un extrait de « Ce que dit l'homme de peine est toujours hors de propos ». Un hiver tout en branches est dur comme un cadavre. Un homme sur un banc dans une rue qui fuit la foule et que la solitude comble, place à l'appareil banal du désespoir, à ses miroirs de plomb, à ses bains de cailloux, à ses statues croupissantes, place à l'oubli ou bien aux souvenirs en loque de la vérité. Lumière noire, vieil incendie, aux cheveux perdus dans un labyrinthe, un homme qui s'est trompé d'étage, de porte, de clé, pour mieux connaître, pour mieux aimer. Où commence le paysage? À quelle heure? Où donc se termine la femme? Le soir se pose sur la ville, le soir rejoint le promeneur dans son lit, le promeneur nu. Moins gourmand d'un saint vierge que de l'étoile informe qui nourrit la nuit. Voilà, comme si ce poème renvoyait au désespoir d'un homme jeté à la rue par un dépit amoureux. Mais que fait un poème? Que peut faire un poème? Nous savons bien que cette question est à double entente, c'est pourquoi nous attendons deux réponses. La première, comment fait-il? Il fait le poème, comme on dit, il fait le beau ou il fait le malin. Le formalisme attire notre attention dans cette direction. Mais il ne peut nous faire oublier l'autre sens de la question, celui qui se soucie d'une certaine efficace, même si indirecte et retorse, qui peut le poème? Que peut-il y changer? Vanité, carré, misère d'Yves Boudier est aux éditions de l'acte même. Elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous, les os, devenons cendre et poudre. Chaque image est précédée d'une citation de François Villon, La balade des pendus. Leur corps est tapissé d'empreintes, interdit de nudité, le visage mangé par la rougeur, l'œil rivé sur ça, qui creuse entre les chairs. La peau, l'entame, qui grésille et inflige, la griffe, la morsure, bouffie, gonflée, pourrie, talée. Or, bivouac d'éternité provisoire, sous la toile arrondie, sale, les yeux pleurent, il y a la pluie vitreuse partout. Dans la rue historique des villes où l'on crève assis, sans nom, aux pieds, couché sur les grilles, d'où souffle une vie épaisse, flaque d'huile, de pisse, poussette orpheline, écrasée de sacs, on endort la querelle sous la bâche et le remblai des songes. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures consacrées toujours à la thématique du froid, aujourd'hui avec Paul Éluard et Yves Boudier.